LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La guerre froide, dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 2, le scientifique en crise. Je ne suis pas optimiste, mais je maintiens un espoir. Sous quelle forme cet espoir ? Qu'on trouvera le chemin et qu'entendant la gravité des dangers, leur totalité, on retrouvera le sang commun et créera une sang de communauté humaine. C'est l'histoire d'un homme qui doute. Robert Oppenheimer est le père de la bombe atomique américaine, de celles qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki pour en finir avec la Seconde Guerre mondiale. Convaincu de la nécessité d'inventer les moyens les plus définitifs pour détruire le nazisme, Robert Oppenheimer a dirigé avec conviction le laboratoire secret de Los Alamos pour mettre au point cette arme de destruction massive qui bouleverse l'idée même de guerre. Mais au lendemain d'Hiroshima, une fois découverts les corps et les mutilations des rescapés, l'utilisation de la force atomique perd de son évidence. Au tout début de la guerre froide, le bilan de Hiroshima et Nagasaki est évidemment extrêmement présent dans les mémoires. Emilia Robin, historienne, spécialiste de la guerre froide. Donc l'idée de guerre et l'idée de destruction ne sont absolument pas virtuelles. Ce qui frappe, c'est la disproportion entre une simple bombe et la capacité de destruction. Des bombardements ayant fait des dizaines de milliers de morts, il y en avait eu, hélas, des dizaines pendant la Seconde Guerre mondiale et d'autres guerres. Donc ce qui frappe, c'est le fait qu'une seule bombe y suffise. La perception de la bombe et surtout la peur d'un engrenage fou. Et que finalement, la possibilité de survie semble impossible. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Guerre froide, en effet, parce que il y a cette espèce d'incertitude liée à la crainte du nucléaire, qui est une crainte nouvelle. C'est-à-dire que l'arme nucléaire a vraiment constitué une rupture dans la pensée stratégique, hein. C'est très net. Jean-Vincent Olyndre est politiste. Sa spécialité, c'est la stratégie. L'image qu'on a de la guerre, le modèle occidental de la guerre, c'est d'abord et avant tout le face-à-face, l'affrontement, la réciprocité. Je donne la mort, je peux la recevoir. Dans l'arme atomique, il n'y a pas cela, puisque le fait d'utiliser l'arme à distance, par exemple en utilisant l'arme aérienne, c'est pas la seule modalité, mais c'est la modalité qui a été privilégiée par les Américains à Hiroshima et Nagasaki, fait que il y a une disproportion, il y a une dissymétrie entre le risque pris par celui qui envoie la bombe et les dégâts commis, donc immenses, commis en l'occurrence à Hiroshima et Nagasaki. Et donc, ça remet en cause, disons, le schéma classique de la bataille, qui certes est souvent surestimé dans l'histoire de la guerre. La bataille est rare, elle a toujours été rare, elle le restera. Mais tout de même, ça remet en cause les coordonnées élémentaires du conflit. Alors que, et c'est un autre aspect de la période de la guerre froide. Maurice Weiss est historien, spécialiste des relations internationales. C'est que les soviétiques avaient à ce moment-là une énorme avance sur le plan de ce qu'on appelle les armes conventionnelles, sur le plan des effectifs militaires en particulier. On n'est pas encore au moment où on craint en Europe une attaque soviétique, mais on pense à la dissymétrie des forces, alors que du côté occidental, partout, on a démobilisé, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Et par conséquent, du côté occidental, l'idée, c'était qu'on contrebalançait la suprématie, ou en tout cas le fait que les soviétiques avaient plus de forces du côté conventionnel par le fait que les Américains détenaient le monopole du nucléaire militaire. Les États-Unis sont la seule nation à détenir l'arme atomique, jusqu'à ce jour de 1949. L'URSS a la bombe. La nouvelle est maintenant officielle et M. André Labarthe, observateur français à Bikini, en tire les premières déductions. Le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle l'URSS a réalisé la bombe. Désormais, le rythme avec lequel la Russie produira des bombes atomiques dépend uniquement de l'ampleur des moyens industriels qu'elle entend y consacrer. Hiroshima, Nagasaki, puissent ces noms rappeler au gouvernement leur terrible responsabilité au moment où le problème nucléaire, échappant au contrôle d'une seule nation, atteint véritablement à l'échelle mondiale. C'est un véritable choc, hein, parce que si on se remet dans le contexte de l'été 49, c'est un véritable vent d'optimisme qui souffle sur l'Occident et plus particulièrement sur les États-Unis. Nicolas Badalassi est historien, spécialiste de la guerre froide. Pourquoi ? Eh bien parce que en quelques années, les Américains qui, sous l'égide du président Harry Truman, ont complètement renouvelé leur positionnement diplomatique, hein, puisqu'il faut savoir que jusqu'en 1945-47, les Américains étaient totalement isolationnistes. Hein, ils intervenaient en Europe au cours de la guerre, mais c'était pensé comme quelque chose de très ponctuel. Et après 45, c'est un interventionnisme qui va devenir pérenne. Et il se trouve que entre 45 et 49, et en particulier entre 47 et 49, les États-Unis alignent les succès diplomatiques avec notamment dans la fameuse doctrine de l'endiguement du communisme, la doctrine Truman, du containment, qui là aussi se solde par de véritables succès à long terme, à savoir le plan Marshall, hein, c'est-à-dire plus de 12 milliards de dollars assignés à l'Europe, la création de l'Alliance Atlantique, la défaite de Staline à l'issue du blocus de Berlin qui avait été instauré en 1948. Donc, à l'été 49, les Américains, les Occidentaux en général, sont persuadés que c'est gagné, que Staline va être forcé d'évoluer vers une dictature de gauche assouplie. Donc c'est une connaissance du communisme, en tout cas du totalitarisme soviétique, qui n'est pas encore celle qu'on aura par la suite. Et dans ce cadre-là, d'optimisme, forcément, le fait d'apprendre que l'URSS a réussi à se doter de la bombe atomique est un véritable choc pour tout le monde. Et c'est d'autant plus un choc que cet événement se produit en même temps que la victoire de Mao Zedong en Chine. Les deux événements doivent être considérés en parallèle, parce que coup sur coup, on a une victoire, deux victoires du communisme. L'une en Chine, et à ce moment-là, dans la foulée, Mao va se rapprocher de Staline et on aura un traité d'amitié et d'alliance entre la Chine et l'URSS en 1950. Et l'URSS est désormais une puissance nucléaire. Donc les deux grands pays alliés plus une bombe atomique signifie que désormais les relations internationales deviennent beaucoup plus dangereuses. Et j'allais dire la cerise sur le gâteau, qui est aussi le résultat de ces événements, c'est le déclenchement de la guerre de Corée en 1950, en juin 1950, lorsque la Corée du Nord envahit la partie sud de la péninsule. Et cette invasion prouve que les soviétiques, en tout cas que les communistes, sont prêts à en venir aux armes. Et conjugué à la puissance nucléaire soviétique, eh bien ça rend les choses extrêmement dangereuses. Et c'est un véritable affolement que l'on retrouve au Pentagone, à la Maison Blanche. Et ça va accélérer la guerre froide. Et plus encore, ça va militariser la guerre froide. C'est-à-dire que les États-Unis, à partir de 1949, décident de faire de l'Alliance Atlantique, qui, durant ces premières années, n'était qu'une coquille vide. En réalité, c'était une alliance diplomatique classique. Ils décident d'en faire une véritable alliance militaire, de stopper toute démobilisation militaire telle qu'elle avait été entamée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de remettre les moyens pour pouvoir faire face militairement à l'URSS. Et d'ailleurs, dans la foulée, Harry Truman décide d'accélérer le chantier de la bombe H, la bombe à hydrogène, la bombe thermonucléaire, qui était déjà sur les rails. Mais lorsqu'on s'aperçoit que l'URSS parvient à obtenir elle aussi la bombe atomique, il faut essayer de mettre sur pied une arme encore plus puissante. Je crois que c'est plus de 1600 fois plus puissante que la bombe atomique, pour toujours être en tête de la course. Il faut quand même savoir qu'à la sortie de la guerre, pour la première fois, la science américaine est la première du monde. Amy Dahan est mathématicienne et historienne des sciences en guerre. C'était pas le cas avant, du tout. C'était vraiment les Européens qui étaient les nations scientifiques, l'Allemagne, la France, etc., en physique, en mathématiques, en biologie. Tout ça, c'était quand même les Européens. Et là, bien sûr, il y a eu l'immigration massive des savants juifs d'Europe centrale et d'Allemagne. Et puis surtout, les pays européens sont exsangues. Et donc, l'Amérique est la puissance, la première du monde à tous les niveaux, et en particulier en sciences. Elle va drainer des jeunes qui veulent faire des sciences de toute l'Europe aussi, et bénéficier de cette aura. Et elle-même, elle va financer massivement. C'est l'idée, on va financer. Il n'est pas possible qu'on n'ait pas une avance majeure, qu'on se fasse distancer. Et donc, par exemple, quelqu'un qui n'a... Voilà, je cite en aparté, mais c'est quand même important, le fameux livre de Thomas Kuhn qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques », et qui paraît dans les années 50, il est issu de quoi ? Mais d'un projet de recherche financé par la recherche américaine. Pourquoi ? Pour savoir, mais c'est quoi les révolutions scientifiques ? Comment la science avance ? Et c'était suscité par l'inquiétude des Américains de ne pas être à la hauteur dans l'avancement de leur science. Hiroshima, Nagasaki, out of guard all bikini. I'm gonna preach y'all a sermon about old man Adam, that's me. I don't mean the Adam in the Bible, Adam. I don't mean the Adam that Mother Eve elated. I mean the thing that science liberated. Je crois que, à ce moment-là, les scientifiques vont se partager. Il y a quelques-uns qui ne sont pas d'accord. Enfin, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas intéressés, quoi. Ils veulent retourner dans leur laboratoire, dans leurs livres, dans leurs recherches à leur rythme, etc. Et d'autres, bon, on est extrêmement, je dirais, flattés quand on est un jeune scientifique. On a accès aux allées du pouvoir, on a accès à des financements très importants. Et donc, les scientifiques vont, certains parmi les plus prometteurs, qui vont devenir des très grandes stars de la science, acceptent. Et ça, c'est le tout début. Mais à partir, évidemment, de 47, justement, et dans les années 50 en particulier, il va y avoir une accélération de cela. Et dans la période 50-60, les scientifiques sont contents, ils bénéficient de cela, ils s'investissent massivement, en particulier, bien sûr, en physique, dans tous les secteurs de la physique, mais aussi la physique des matériaux, la physique des solides, parce que pour faire la guerre, il faut tout ça, hein, il faut pas que les réactions nucléaires. Dans la perspective guerre froide proprement dite, cette vision du conflit, elle est militaire, bien sûr. Il y a eu un historien des sciences qui s'appelle Paul Edwards, qui a vraiment bien décortiqué ce qu'il a appelé le discours du monde clos, qui était un peu inhérent à la théorie de l'endiguement de Truman. Et dans ce discours du monde clos, c'est ça, c'est-à-dire si vous avez à la fois une vision de l'Union soviétique comme un univers clos, mais qui a des tendances absolument inéluctables à l'agression et au terrorisme militaire, de violence. Et face à cela, eh bien, les États-Unis aussi sont d'une certaine façon un monde clos qui doit se protéger, qui doit s'organiser. Il va y avoir, par exemple, ce think tank qu'on appelle la RAND. La RAND, c'est un think tank qui a été établi à la fin des années 40 sur la côte californienne, à Santa Monica, qui a été financé au début et subventionné par des avionneurs, des industries de l'aviation, mais très rapidement a été pris en main et chapeauté par le ministère de l'Armée et de l'Air. Et ce think tank a été absolument majeur parce que son objectif était quoi ? D'établir une science générale de la guerre. Le petit atome au noyau fragile, connu des pépins fantastiques, de méchants hommes savants subtils, en firent une bombe atomique. Il explosa, quel destin hâtif. Il mourut le petit atome. Oui, mais les hommes savants fautifs sont tous devenus radioactifs. Tous radioactifs, tous radioactifs. Quand, par exemple, la perspective sera la bombe H, Amidaon, donc avec une théorie des explosions différente, eh bien, il y a plusieurs problèmes qui se posent, mais parmi ceux-là, il y a la théorie de l'explosion, la vitesse de propagation de cette explosion, etc. Et tout cela ne peut pas s'expérimenter en réel. C'est trop dangereux, c'est pas possible. Donc ça va être en particulier à la ronde tout ce qui est le projet des simulations numériques de ces explosions-là qui vont être testées à la ronde et au fur et à mesure des années 50, eh bien, apparaissent des choses comme les écrans cathodiques, les tests numériques, etc., auxquels participent un certain nombre de gens, en particulier le développement extraordinaire d'une discipline dont on n'a pas l'impression qu'elle est directement liée à la guerre, mais elle l'est, de fait, c'est la théorie des jeux. La théorie des jeux qui joue un rôle important aujourd'hui dans les sciences économiques, etc., eh bien, elle naît dans le contexte de la guerre avec ce personnage qui s'appelle John von Neumann, qui était un très grand physicien mathématicien après la guerre. C'est lui qui va travailler à la théorie des explosions pour la bombe H et mettre au point les équations et mettre au point aussi l'ordinateur qui va avec. Il faut voir que son bureau était à la fin à côté du président des États-Unis. Et d'ailleurs, quand il est mort, en 57, eh bien, le président des États-Unis est venu le voir. Enfin, c'était une relation de symbiose. Il est venu le voir sur son lit de mort. Voilà. Les relations avec le pouvoir ne sont pas aussi fusionnelles pour Robert Oppenheimer. Au lendemain d'Hiroshima, il entreprend de convaincre ses collègues et les responsables politiques de faire de la science atomique un savoir partagé et universel et d'en limiter radicalement les usages militaires, sans grand succès. Toujours nommé par le gouvernement américain à des postes à responsabilité, il devient un rouage remuant, et bientôt gênant, de la machine de guerre états-unienne. En 1954, Oppenheimer est auditionné pendant un mois. Un véritable procès sur sa loyauté et le caractère subversif de ses critiques adressées au plan d'armement de la guerre froide. Il est lavé de tout soupçon, mais désormais maintenu à l'écart des recherches sensibles liées à l'effort de guerre. Les Soviétiques vont eux aussi tout faire pour être les meilleurs. Nicolas Badalassi. C'est un des objectifs de Staline dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que Staline était parfaitement au courant des plans atomiques américains, du fameux projet Manhattan. Il avait mis en place, profitant de la Grande Alliance avec les États-Unis du temps de guerre, tout un réseau d'espions et d'agents dormants sur le territoire des États-Unis, qui était censé notamment en apprendre plus sur les essais nucléaires américains. Et ce réseau a parfaitement fonctionné. Ce sont les Canadiens qui s'en sont aperçus et qui en ont informé les États-Unis de l'existence de ce réseau. Et ayant appris que les Américains étaient sur le point d'avoir la bombe atomique, eh bien Staline a tout de suite accéléré à son tour le programme nucléaire soviétique. Il a mis sur pied ce qu'on a appelé le comité d'État pour le problème numéro 1. On voit bien la dénomination toute soviétique, avec à sa tête Lavrenti Beria, c'est-à-dire le chef du NKVD, qui deviendra plus tard le KGB, avec des scientifiques, j'allais dire, parqués dans des laboratoires, avec pour mission d'aller le plus vite possible dans l'acquisition, dans le développement de la bombe atomique. J'ai eu l'occasion donc d'étudier un groupe qui a joué un rôle majeur, Amidaon, en Union soviétique, de ce point de vue-là, qui s'est développé dans la ville qu'à l'époque on appelait Gorki, mais qui est Nijni Novgorod. Et cette école scientifique, c'était une politique des soviétiques, enfin du pouvoir, de mettre des écoles soviétiques hors de Moscou et de Leningrad, de les mettre dans des petites villes fermées, très secrètes, pour mieux qu'ils se développent. Ce groupe avait une certaine cohésion ancienne, beaucoup de sociabilité, ils se voyaient le dimanche, ils élevaient leurs enfants ensemble, enfin, c'était un monde très fermé, cette ville. Et donc, quelque part, le groupe scientifique qui travaillait beaucoup, parce qu'il y avait pas... c'est sinistre, hein, là-bas. Il faisait très froid, il y avait aucune distraction, donc ils bossaient comme des fous. Mais aussi, ils étaient un peu à l'écart d'un certain nombre d'influences ou de possibles fuites, etc. Et on voit bien que là-bas, ce qui est très important, ce qu'on appelle la boîte postale, ça s'appelle la boîte postale. La boîte postale, c'était ce qui concernait la construction de la bombe elle-même. Alors là, c'est totalement secret. Hein. C'est une zone sécurisée, mais c'est aussi l'idée que, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, ça reste très flou. C'est-à-dire qu'on a le groupe scientifique qui a un laboratoire, puis une partie du laboratoire est totalement secrète. Elle est à un certain étage, personne n'a le droit d'y aller. Et là, on fait un certain nombre de calculs, de travaux, etc. Et là, il n'est pas question de communiquer avec les Américains ou à l'échelle mondiale, dans la communauté scientifique, dans les grands congrès. Parce que ces gens-là ne sont jamais sortis de l'Union soviétique. Dans ce foisonnement scientifique, il y a un domaine qui l'emporte sur tous les autres dans l'imaginaire de la guerre froide, c'est la conquête spatiale. L'affrontement se joue aussi désormais dans l'extraterrestre et ce sont les Soviétiques qui ouvrent le bal avec le lancement en 1957 du satellite Sputnik, 58 cm de diamètre et presque 84 kg. Наши спутники вращаются вокруг Земли и ждут, когда появится рядом с ними американские и другие спутники и составит содружество спутников. La conquête spatiale est née de la recherche menée pour avoir des lanceurs intercontinentaux. Emilia Robin. À partir du moment où on dispose d'armes de destruction massive, à savoir la bombe atomique, il faut pouvoir l'envoyer loin plutôt que chez soi. Et donc il faut développer des lanceurs et le fait de mettre en orbite Sputnik en 57 est non seulement le premier objet humain sortant de l'astration terrestre, donc préfigurant une conquête spatiale, mais c'est également la preuve matérielle que les Soviétiques sont capables d'utiliser l'extérieur de l'atmosphère pour envoyer quelque chose, quoi que ce soit. Donc c'est un message autant scientifique que militaire. Et ensuite, sur cette base, il y a évidemment l'objectif suivant, c'est l'homme en orbite, enfin, les êtres vivants en orbite, l'homme en orbite, puis la conquête de la Lune. En cette veille de Noël, nous avons arrêté quelques passants pour connaître leurs sentiments sur les derniers exploits américains dans l'espace. Monsieur, comment avez-vous réagi en apprenant que les Américains tournaient en orbite autour de la Lune ? Je me suis dit que c'était une formidable réussite. Nous n'avions pas vraiment le choix. Nous devions tenter d'y arriver avant les Russes, à la fois dans un but de propagande et aussi pour les empêcher d'utiliser la Lune comme base pour étendre leur pouvoir à l'avenir. Alors la conquête spatiale, de ce point de vue-là, est multiple. D'une part, il est évident pour tout le monde que c'est un enjeu de guerre froide. La technicité demandée par la conquête spatiale, de tous les domaines, suppose une avancée technologique, une maîtrise technologique qui est celle d'une grande puissance et donc le premier qui arrivera donnera la preuve de la domination de son système. Donc évidemment, les contemporains sont parfaitement conscients qu'il s'agit d'une rivalité dans le domaine de la recherche scientifique et technologique. Donc il y a on élargit progressivement les possibles avec des programmes successifs, Gemini, Apollo, etc., de manière à créer un lanceur capable d'emmener une capsule, capable d'emmener un descendeur, capable de descendre sur la Lune, puis de remonter et de revenir, avec ces différentes étapes. Donc la complexité est très grande, et les programmes sont rivaux. On sait, c'est les États-Unis qui l'emportent en mettant deux hommes sur la Lune, plus le troisième qui n'a pas pu descendre, à l'été 69, avec le premier pas sur la Lune par Armstrong et Buzz Aldrin. C'est un grand honneur et un grand privilège pour nous ici de représenter non seulement les États-Unis, mais tous les hommes épris de paix de tous les pays. C'est un honneur pour nous de participer aujourd'hui à cette vision du futur. Mais à côté de cela, il y a réellement dans les années 60 un rêve d'espace, l'idée que la science ouvre des horizons inimaginés jusqu'ici, dans tous les domaines. Dans les années 50, on commence à développer l'électronique, l'informatique, on invente les plastiques, avec ce que ça veut dire dans l'habillement, simplement tous les textiles contemporains sont nés de cette recherche en chimie. On a découvert l'ADN, on a désormais des outils médicaux et autres, il y a toutes les applications du nucléaire civil, donc il y a un essor de la science absolument incroyable, et l'idée que la science ne peut que construire un monde meilleur. Et donc les années 60 sont la grande époque d'un rêve de science et d'un rêve d'élargissement grâce à la science qu'on voit dans la science-fiction, dans son ambiguïté. C'est-à-dire que les romans de Philip K. Dick, c'est l'humanité qui utilisera tous les moyens, y compris la science, pour mener à bien son impulsion de mort. Et inversement, vous avez Star Trek et des vaisseaux immaculés et aseptisés qui vont à la conquête, à la rencontre des autres civilisations. Donc il y a un contexte de rêve d'espace qui se voit dans la mode, dans le design, dans la littérature, dans la culture populaire des deux blocs, dans les années 60, qui sont liés à la conquête spatiale. Donc la conquête spatiale, de ce point de vue-là, elle est donc double. D'une part, elle est l'un des aspects de la guerre froide, mais elle est aussi l'un des aspects du rêve commun de dépassement et d'exploration infinie de l'espace grâce à la science. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. C'était La guerre froide dans nos têtes, épisode 2, avec Ami Dahan, Emilia Robin, Nicolas Badalassi, Jean-Vincent Olyndre et Maurice Weiss. Check ignition and may God's love be with you. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie, une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.